professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment rompre le charme du théologico-politique? Pourquoi Ernst Kantorowicz et Marc Bloch lisent-ils pour se délier? Comment la double corporéité des rois est-elle une fiction qui se retourne contre la royauté? Faisait-on de la politique dans le Jardin d'Éden? Dans le cadre de sa série « Fiction politique », Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle », poursuit aujourd'hui ce qu'il a appelé l'archéologie des erreurs collectives. Revenant sur sa vocation et son travail d'historien pour Télérama en 2015, Patrick Boucheron expliquait, je le cite, « Je suis devenu médiéviste en aimant non pas le Moyen-Âge, mais ceux qui en écrivaient d'histoire. Georges Duby, Jacques Le Goff, d'autres encore. J'aimais lire les livres de ces maîtres de liberté qui installaient leur art de penser et permettaient de se faire tour à tour anthropologue, sociologue ou géographe de son sujet. » Nous retrouvons en Patrick Boucheron ce grand lecteur pluridisciplinaire et curieux des travaux d'hier et d'aujourd'hui. S'il se concentre sur les deux itinéraires de Marc Bloch et d'Ernst Kantorowicz pour désapprendre, nous présentons notamment le travail de critique radicale d'Ernst Kantorowicz de son Frédéric II, publié en 1927, livre culte des nazis, le remords du savant fourvoyant politique, avant d'écrire contre lui-même les deux corps du roi en 1954. Il s'agit, pour le français Marc Bloch et l'historien allemand, de rompre le charme du théologico-politique. La plongée dans le Moyen-Âge, le questionnement de la légitimité surnaturelle du pouvoir, permettent-ils de déniaiser notre présent? Pour Télérama, Patrick Boucheron explique encore que sa génération, à la suite de Michel Foucault, cherchait d'abord à faire l'histoire des problématisations, à se demander pour chaque époque où est le problème et à s'interroger sur ce que nous sommes en train de devenir. Si notre présent est du passé accumulé, et si ce que l'on nomme Moyen-Âge est sa couche la plus ancienne, mais toujours active, en écrire l'histoire est une autre manière de dire l'aujourd'hui. Pour sa leçon inaugurale le 17 décembre 2015, Patrick Boucheron, évoquant la période qu'il a choisie, XIIIe-XVIe siècle, indique que l'on peut déborder ce temps, l'occuper à sa guise, le déplacer. L'histoire, dit-il, peut aussi être un art des discontinuités. En déjouant l'ordre imposé des chronologies, elle sait se faire proprement déconcertante. Elle trouble les généalogies, inquiète les identités et ouvre un espacement du temps où le devenir historique retrouve son droit à l'incertitude, se faisant accueillant à l'intelligibilité du présent. L'archéologie du passé accumulé vise les couches toujours actives, utiles en somme, à une compréhension du fait politique aujourd'hui. Le corps mortel du roi se trouve investi par le corps immortel de la royauté qui le transcende, rappelle aussi le médiéviste, et nous gagnons l'Angleterre élisabéthaine pour découvrir la fiction juridique qui culmine à ce moment-là, tandis que le Richard II, que cite avec passion Patrick Boucheron, s'avère la tragédie shakespearienne des deux corps du roi. Qu'est-ce que perdre le nom de roi ? Questionner la fiction théologico-politique, c'est aussi mettre en valeur l'influence de l'écriture des évangiles. aux vies parallèles antiques s'oppose la biographie plurielle d'un individu chrétien. C'est la révolution normative du christianisme. Qu'est-ce qu'une norme qui s'exprime par le récit plutôt que par le commandement? Et qu'est-ce qu'une narration lorsqu'elle est capturée par l'ordre normatif? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 24 janvier 2017. On pourrait poursuivre l'enquête par une fiction impossible. Je ne m'explique pas pourquoi j'ai passé tant de temps à chercher dans les carnets de tranchées de Marc Bloch, dans sa correspondance, dans les rapports d'opérations sur le 72e régiment d'infanterie dans lequel il est versé à partir de juin 1915, tant de temps à essayer de voir s'il y avait eu un moment où il pouvait être ou avoir été face à Kantorowicz, qui lui-même, lorsqu'il combat dans le 20e régiment d'artillerie de campagne à Calonne, est aussi dans le même front, jusqu'au moment où, à partir de juin de 1915, il subit une attaque de gaz. En juillet 1916, pardon, il part sur le front de l'Est, en Ukraine. Pourquoi chercher des traces de ce face-à-face? Qu'est-ce que cette fiction de Marc Bloch et Hans Kantorowicz, de part et d'autre de la tranchée, pourrait nous apporter d'intelligible? Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'essentiel pour la compréhension des fictions politiques qui se joue là, dans cette confrontation. Alors évidemment, on pourrait la raconter plus sérieusement, on pourrait montrer la manière dont Marc Bloch lit le Frédéric II de Kantorowicz dès 1927, qu'il est d'abord sceptique, et puis ensuite paraît en 1931 le deuxième volume où Kantorowicz a mis les notes. D'abord il écrit sans notes, ensuite il met les notes, et donc à ce moment-là... Marc Bloch est plutôt convaincu en 1931, et puis il travaille, il relit, mais il relit pour se délier, il travaille à se déprendre, et en 1940, il le relit sans doute une troisième fois, et il cherche au fond à s'extraire de la fascination de ce livre qui est un livre envoûtant, proprement vénéneux. Parce que si on voulait camper les deux hommes à la manière effectivement des vies parallèles de Plutarque, on dirait ceci. Kantorowicz est plus jeune, il est né en 1895, Marc Bloch est né en 86, mais il est juif comme lui, il est ancien combattant comme lui. Sauf qu'évidemment, après-guerre, vous savez qu'il entre dans le cercle de Stéphane Georg, qui est un poète symboliste dont le charisme inspirait un patriotisme lyrique à ses adeptes, qui est uni dans la vénération du maître, et que de nombreux esprits brillants, il n'est pas le seul, se sont laissés embrigader dans cette étrange communauté qui aspirait à la fondation d'un Reich invisible. L'apparition en 1921 de sa biographie de Frédéric II, qui est campé en surhomme nietzschéen, s'inscrit évidemment dans un élan mystique. Alors, sur le plan politique, lui qui a combattu dans les corps francs, il est contre, effectivement, la révolution spartakiste. Il n'est pas douteux que Kantorowicz est, selon l'expression de Karl Levitz, ouvert au national-socialisme des voies qu'il n'a pas suivi lui-même. Enfin voilà, de fait, c'est un livre qui a fait les délices du régime nazi. Et quand Kantorowicz se réfugie à l'université de Berkeley en 1938-39, lorsqu'il y défend ardemment cette autre utopie moderne qu'est l'autonomie universitaire, lorsqu'il mène cet autre combat décisif de sa vie, puisqu'il prend la tête, 10 ans plus tard, de la fronde contre le serment de loyauté que le sénateur McCarthy voulait imposer aux universitaires américains suspects de sympathie communiste. Lui ne l'est pas, évidemment, mais il se bat pour eux. Il ne va cesser, depuis lors, d'écrire contre son Frédéric II, de déconstruire la fascination qu'il a eue pour la théologie politique, et ce livre de déconstruction, ce grand livre écrit contre lui-même, contre l'enchantement de sa jeunesse, c'est Les deux corps du roi. Et l'année de sa mort, en 1963, à un admirateur allemand imprudent qui le félicitait de la réédition de sa biographie de Frédéric II, il répondait « Il faudrait laisser sombrer entièrement dans l'oubli un livre qui était posé sur la table de nuit de Himmler et dont Göring fit cadeau à Mussolini en le dédicaçant. » D'où, au fond, sa plongée dans le Moyen-Âge pour déniaiser notre présent, pour tenter vainement, cela va sans dire, de le désarmer dans ses penchants criminels. Non pas parce que le Moyen-Âge serait un horizon idéal de paix et qu'il faudrait chercher la pureté des origines, c'est évidemment tout le contraire, mais pour aller chercher dans cette archéologie de l'erreur collective de quoi, effectivement, se déniaiser. Dans un autre de ses livres, rédigé entre 1934 et 1940, son livre sur les litanies royales, qui s'appelle « Laudes Regiae », il fait le lien avec son Frédéric II, avec la séduction du surhomme nietzschéen. Il propose déjà un démontage méthodique de la légitimation surnaturelle du pouvoir royal. Et au fond, il montre que c'est minutieuse, par une minutieuse analyse de l'évolution des formules liturgiques, de leur mise en musique, de leur capacité, au fond, à faire acclamer le pouvoir, que, ben voilà, le pouvoir, c'est ça, cet objet digne d'acclamation. Comme le dit Pierre Legendre, qui a psychanalyste et juriste, qui a préfacé la réédition de Laudes Regiae, et qu'il faut beaucoup de naïveté pour prétendre que ce fondement sauvage du politique, comme l'appelle Pierre Legendre, il n'a plus cours dans nos sociétés policées. Il avait à voir avec la transe, écrit Kantorowicz. Il ne concerne pas que les sociétés anciennes. Et voilà pourquoi Kantorowicz poursuit son analyse des Laudes jusqu'aux acclamations fascistes et nazies, dans lesquelles il était. Il était pris. C'est ça qui est proprement poignant. Et il écrit ceci, ce qui, effectivement, n'est pas seulement le remords du savant fourvoyé en politique, mais qui est précisément l'acte même, au fond, d'écrire contre soi-même. En écoutant ce chant exécuté par les balilias italiens, l'auditeur se sentira inéluctablement porté vers une profonde méditation. Et si d'aventure cet auditeur est un historien, nul doute qu'il méditera sur les dangers inhérents à sa profession d'exhumer le passé. C'est une responsabilité terrible qu'il affronte, donc, dans les deux corps du roi. Et c'est pour ça, et j'en terminerai effectivement par cette question sur laquelle j'avais embrayé à partir de cette autre acclamation moderne, une cérémonie contemporaine d'investiture, et cette question, effectivement, du simulacre quasi-théâtral. On oublie souvent que les deux corps du roi d'Ernst Kantorowicz commencent par une évocation des rapports de Plauden, un juriste du règne d'Élisabeth Ière, qui le premier, sans doute, explicite la théologie politique de la double corporéité de la personne souveraine. Je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler que, effectivement, les deux corps du roi décrit la théologie politique d'une double corporéité royale où le corps mortel du roi se trouve investi par le corps immortel de la royauté qui lui survit et le transcende. Donc, cette double corporéité, cette figure qui est en fait une fiction juridique, on y reviendra, se construit graduellement et culmine effectivement dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Et c'est à partir de ce point de répulsion, toujours le même, l'Angleterre du XVIIe siècle, l'Angleterre des révolutions, la naissance de l'idée de constitution, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que ce qui est en jeu, c'est de comprendre une croyance politique qui, comme l'a écrit Alain Bourreau dans un autre livre, Kantorowicz, Histoire d'un historien, lentement cristallisée depuis le Moyen-Âge, lentement défaite au siècle des Lumières, a réussi à se retourner contre la royauté. Lors de la première révolution anglaise, on tue le roi Charles Ier au nom du roi, ou à se passer d'elle, simplement, d'où le dernier chapitre du livre de Kantorowicz consacré à la souveraineté centrée sur l'homme d'après l'œuvre de Dante, l'homme périssable et faillible, porte en lui la forme perpétuelle de l'humanité, ce qui prépare toutes les formes républicaines ou simplement parlementaires, habeas corpus, de rémanence et de substitution du dualisme corporel. Donc, n'oublions jamais que les deux corps du roi, c'est aussi une tentative archéologique, exactement comme d'ailleurs avec un des échos au roi thaumaturge, où on part du moment où ça se défait. Et ça se défait au moment où ça se théorise. Parce que, évidemment, l'Angleterre élisabéthaine, c'est le temps de la théorisation juridique par Claudel et de la mise en scène de la défaite du corps politique par Shakespeare. Et c'est cela, évidemment, qui est absolument fondamental. Kantorowicz consacre à ce qu'il appelle la tragédie des deux corps du roi, c'est-à-dire le Richard II, et on retrouve l'histoire des dépositions des souverains anglais, le deuxième chapitre de son livre, et notamment aux scènes affolantes du troisième acte où le roi sent se déchirer en lui sa gémelléité constitutive. Le corps mystique du royaume le quitte, il se dépouille pièce par pièce. Lui qui est né jumeau avec la grandeur, mais aussi avec la nature humaine, le voilà en butte au murmure du premier saut venu. Et c'est cette vulnérabilité qui fait que ce qu'il perd, c'est le nom de roi. Faut-il que le roi perde le nom de roi? Au nom de Dieu, quoi le lui ôte? Et à l'acte 4, je n'ai pas de nom et je ne sais de quel nom m'appeler. Et encore, 4.1, vous pouvez me destituer de ma gloire et de ma puissance, mais non de mes chagrins, je suis toujours roi de cela. Telle est pour Ernst Kantorowicz l'expression la plus haute, la plus claire de la théologie politique. Jacques Lebrun a repris l'analyse dans son livre sur le pouvoir d'abdiquer, qui est consacré à la déchéance volontaire d'un roi traître à lui-même. C'est Auguste, au début de l'acte 2 du Synat Corneille, qui médite sur la grandeur sans borne du pouvoir souverain et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit, l'ambition déplaît quand elle est assouvie. Mais je vous renvoie surtout sur ce point aux très belles pages que Myriam Revaud-Allonne consacre à ce qu'elle appelle la défaite du corps et à, je la cite encore, l'interminable épreuve de la désincorporation qui est mise en scène par Shakespeare dans le Richard II. Parce qu'il en va effectivement de la notion même de représentation politique théorisée dans ce livre paru en 2016 sous le titre « Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique ». Parce que il s'agit évidemment d'un jeu de miroir, là encore. Et ce jeu de miroir est proprement vertigineux. Songez qu'en 1601, Robert Devereux, Earl of Essex, préparait un coup d'État contre la reine Élisabeth Ière d'Angleterre. Et pour donner du courage à ses hommes, pour fortifier leur détermination, il donna une représentation du Richard II que Shakespeare avait écrit en 1595, donc 6 ans avant. Déjà, la fameuse scène de la déposition du roi y était censurée. Elle est censurée dans toutes les éditions de l'œuvre jusqu'en 1608. Et il est possible que ce fût la première fois qu'on la joua en entier. Le complot fut déjoué, Richard Devereux décapité, et la reine Élisabeth déclara alors « Je suis Richard II, ne le savez-vous pas ?» Donc on a là une ivresse miroirs proprement vertigineuse qui est celle effectivement de ce régime médiéval du registre fictionnel. Comment le caractériser? Il ne se peut caractériser que par son rapport au christianisme et au droit. Au droit d'abord. Sur ce point, les travaux de Jan Thomas sont absolument fondamentaux dans les opérations du droit. Parce que pour justement desserrer l'étau, pour ne cesser, on voit bien quelle impasse dans laquelle impasse on est lorsqu'on caractérise une croyance politique comme une erreur collective. On voit très bien qu'en réalité, ce qu'était la théorie des deux corps du roi, c'était une fiction au sens juridique. Or, le droit romain offre aux jurisconsultes un pouvoir extraordinaire, qui est celui de transformer l'ordre des choses et de contrer la réalité par des opérations fictives. Et donc, au fond, tout ce que je raconte peut aussi se dire dans les termes du droit. Parce que dit le droit romain ? Qu'il y a deux types d'opérations fictives. La fiction négative, qui consiste à nier ostensiblement ce qui existe, et la fiction positive, qui consiste à la faire advenir. Mais dans les deux cas, on fait violence au monde. On crée effectivement des situations imaginées mais non feintes pour mettre le droit à l'épreuve du réel. Par exemple, la loi Cornelia qui porte sur la validation des testaments des citoyens morts en captivité. Bon, théoriquement, le droit prive les particuliers de leur capacité testamentaire s'ils sont emprisonnés. Alors on crée une fictio legis, fiction, tout doit se passer comme s'ils étaient morts en liberté. Mais il existe aussi des fictions positives qui posent faussement l'existence d'un acte, d'un événement ou d'un être. La seconde dit « comme si »,« si »,« ac si »,« perinde »,« ac si ». La première « comme si »,« ne pas »,« sinon »,« ac sinon »,« perinde »,« ac sinon ». Et les glossateurs médiévaux acceptent cette opération fictive du droit en précisant qu'elle n'est pas une feinte puisqu'elle se donne comme fiction. Azon, au XIIe siècle, affirme « la fiction est une interprétation contraire à la vérité et elle consiste, dit-il, à prendre le faux pour le vrai ». Toutefois, elle requiert la certitude du faux. Ainsi, poursuit Cino da Pistoia au XIVe siècle, la fiction prend pour vrai ce qui est certainement contraire au vrai, mais voilà pourquoi la fiction ne peut se confondre avec la feinte, la fraude, la forgerie, parce que les juristes médiévaux, s'ils acceptent l'empire romain de la fiction, c'est-à-dire cette puissance de dénaturation juridique du monde, d'adultération de la vérité des faits, c'est parce qu'il la borne, c'est parce que ça, justement, ça définit ce que c'est qu'un artifice, par opposition à ce que c'est qu'un simulacre. Ainsi, par exemple, lorsqu'ils définissent l'universitas comme persona ficta, personne fictive, ce n'est qu'une pure représentation mentale, une image, un mot. L'universitas, je cite Yann Thomas, n'est qu'une collection de plusieurs corps séparés auxquels s'applique un même nom. Cette limite de la nature, et ici de la nature humaine des corps séparés, rejoint évidemment la dimension chrétienne de la narrativité des fables. Et c'est là où on atteint effectivement, je pense, ce qu'il y a de spécifiquement médiéval dans ce régime fictionnel. Médiéval, mais là encore, médiéval parce qu'il s'origine dans une tradition antique. Je renvoie aux travaux de Glenn Bowersock, notamment dans son livre traduit sous le titre « Le mentir vrai dans l'Antiquité », où il montre comment l'Empire gréco-romain, au temps de Néron, encore une fois, il faudra bien qu'on l'aborde, celui-là, frontalement. Néron est guéravant, d'ailleurs, et envahi par le genre romanesque qui fait éclater les cadres intellectuels de la païdéa antique, et que quelqu'un comme Lucien de Samosate, qui a effrontément choisi d'appeler « histoire vraie » ses inventions littéraires en prévenant ainsi « mes lecteurs ne doivent pas croire un mot de ce que je dis », c'est comme ça que commencent les histoires vraies, sinon un seul énoncé, je suis un menteur. Et donc, il faut considérer cet arrière-plan fictionnel dans lequel baignent les intellectuels gréco-romains, qu'ils soient païens ou chrétiens, pour comprendre d'ailleurs l'impact des évangiles. Bowersock montre, par exemple, que le thème de la résurrection est fréquent dans les romans grecs et romains, que le philosophe Peregrinus Proteus, brûlé sur un bûcher, mais qui apparaît tout de blanc vêtu à un témoin digne de foi, et comme, par exemple, Eumolpe, héros du Satyricon, qui impose par testament à ses héritiers de découper son corps en petits morceaux et de le manger en public. Au 1er siècle, il existe certainement un lien entre la fiction romanesque et la littérature chrétienne. Alors, vous me direz, le choix biographique n'est pas une invention chrétienne. Plutarque discrimine dans le passé d'un homme ce qui est utile pour l'édification des lecteurs et ce qui ne l'est pas. Mais ce genre littéraire qu'est la biographie est effectivement inscrite à l'Antiquité, dans un modèle qui est celui-là. Une des spécificités de la biographie antique est qu'elle est plurielle. Vie illustre, vie parallèle, série de rois. Or, l'exception chrétienne est de produire une biographie plurielle d'une seule personne. C'est la genèse d'un pouvoir particulier qui est le pouvoir sur les récits et sur la pluralité des récits. C'est la grande question que pose, par exemple, un théologien comme le dominicain Étienne Naudet. Au fond, on voit bien comment, à un moment donné, la tradition chrétienne se resserre autour de différentes évangiles. On en garde quatre. Pourquoi s'est-on arrêté en si bon chemin ? Pourquoi quatre et pas un seul ? Précisément parce que ça crée les conditions de ce que Alain Bourreau appelle l'événement sans fin, qui joue des discordances des biographies, non pas donc des biographies plurielles, mais la biographie plurielle d'un seul, et donc le statut de la narration s'en trouve profondément modifié. Les travaux en cours d'Emmanuele Coccia tentent une archéologie de cette narrativité du christianisme qui est née d'une révolution normative. Le Messie vient pour apporter une nouvelle loi qui est inédite dans son modèle, parce que si son code juridique est censé remplacer la loi juive, elle est nouvelle moins par son contenu que par sa rhétorique. Qu'est-ce que c'est qu'une norme qui s'exprime par la narration et non par le commandement ou le précepte, et qui s'exprime justement par une narration plurielle ? Comment penser la narrativité de la norme et comment penser la normativité lorsqu'elle dépasse la codification du droit et s'incarne dans un récit qui ne contient aucune formulation directe applicable à la sphère pratique mais concerne la totalité d'une existence ? Et symétriquement, que devient la narration une fois capturée dans un cadre normatif ? Non pour susciter un sentiment d'ordre esthétique, ni pour produire des effets cognitifs, mais pour normer, c'est-à-dire pour façonner un corps social. Le Collège de France et France Culture vous présente Patrick Boucheron dans le cadre de sa série Fiction politique, aujourd'hui, rompre le charme du théologico-politique. L'historien questionne maintenant le mythe d'Adam, homme sans qualité, et le récit de sa chute. Dieu fait-il le procès de la nature humaine ? J'aimerais pouvoir commencer par un texte de Pierre Michon, que j'aime beaucoup, et qui se nomme « Trois noms de bêtes pour WB ». WB est Walter Benjamin et les noms de bêtes, ceux qu'Adam, le premier homme, crie à la face de Dieu afin que tout soit nommé. Il est alors comme le petit garçon que fut Pierre Michon, obligé, il s'en souvient, dans une clairière, de reconnaître un papillon qui s'était posé là et qu'il n'avait jamais vu. Je cite, « Toudis est un allié. Il dépose son royaume à tes pieds. Dis son nom. Le petit garçon ne sait pas. » Plus tard, il saura, plus tard, il apprendra, en feuilletant un livre, le nom du papillon. Et Adam est aussi à ce moment-là, comme Walter Benjamin en 1928, à Moscou, abandonné par celle qu'il aurait voulu aimer, se réchauffant d'abord au petit brasier de ses larmes, avant de comprendre qu'il doit nommer ce qui l'entoure, je cite encore Pierre Michon, « Il est dans la clairière du premier langage, il se redresse, il est un fils d'Adam, il peut recommencer, il va recommencer. » Nous aussi, nous pouvons et nous allons recommencer, et à partir justement de la figure d'Adam, sans doute, puisqu'avec la création de l'homme, comme l'écrit Pierre Michon, Dieu change de technique. Le jour et la nuit, les montagnes et les eaux, les grands incorruptibles, il les a créés en les nommant. Mais pas l'homme. Pour l'homme, il se tait. Il le fabrique muettement, avec de la terre. Puis, dans la sombre foulée, toujours taciturne, il fabrique aussi, avec de la terre, tous les autres animaux. Et l'homme, que Dieu n'a pas créé en le nommant, c'est à lui de dire le nom des bêtes. Alors il les dit, alors il les crie dans une clairière. Dieu parle aux hommes, mais surtout, il les fait parler. Au contraire de l'idole, qui étant sourde et muette, rend celui qui la regarde sourd et muet. De là, d'ailleurs, cette hantise des clercs face aux images qu'ils perçoivent toujours comme d'inquiétants blocs de silence. Ainsi, l'écolâtre Bernard d'Angers, lorsqu'il pénètre dans le sanctuaire de l'église Sainte-Foy de Conques dans les années 1010, lorsqu'il se demande s'il va croire ou ne pas croire aux histoires qu'on est en train de raconter sur une petite fille martyrisée qui fait des miracles et qui se trouve, dont les reliques se trouvent là, il va y croire finalement, puisqu'il va rédiger lui-même ce Liber Miraculorum qui est en même temps le récit de sa propre conversion, mais d'une conversion vers la foi des simples, d'une conversion à l'envers de ce que je vais tenter de décrire aujourd'hui. Et il est là, devant la statue reliquaire qui... le regarde muettement, comme écrirait Pierre Michon, ou, comme écrirait Georges Duby, c'est une phrase, je crois que c'est la phrase préférée de Georges Duby pour Jacques Dallarin, mon ami, dans « Temps des cathédrales », Georges Duby dit de ces statues reliquaires qu'elles sont des idoles d'or aux yeux de guêpes, campées aux portes des ténèbres et dont nul n'ose affronter le regard perdu. L'idole d'or aux yeux de guêpe. Bernard d'Angers donc a décrit la petitesse de l'homme face à l'image, sa crainte de l'idole, mais aussi la nature de l'homme qui est de nommer les choses, de donner un nom aux êtres vivants. Et tel est le pouvoir d'Adam, premier homme, et déjà homme sans qualité, dont le récit de la chute, que l'on va aborder maintenant, est d'abord une fiction de la médiocrité. Parce que Adam n'est pas le premier à chuter. Les anges, les démons, avant lui, furent déchus. Mais le récit de leur chute est autrement plus sublime. Un désastre à grand spectacle, dans le style héroïque. Rien de tel pour Adam. Vous savez, la pomme, le serpent, la femme. Seulement, lui sait le nom des choses et des bêtes. Contrairement aux anges, qui, ainsi que le précise l'exégèse juive du Midrash Rabba, chantent mais ne nomment pas. De quelle nature, donc, est le dominium d'Adam sur les êtres vivants? Est-il naturel que l'homme commande à la nature, commande aux animaux? Et quelle relation ce pouvoir entretient-il avec l'acte de nommer, de catégoriser, de dire « ça c'est du vivant, ça c'est pas du vivant ». Vous comprenez que ces questions sont des questions pour aujourd'hui. Vous comprenez aussi que le Moyen-Âge chrétien se les posait déjà, et à partir d'une réflexion sur la chute, c'est-à-dire la faute d'Adam, et le moment où il fut chassé du paradis. La question est donc, faisait-on de la politique dans le jardin d'Éden? Non, sans doute, on n'en avait pas besoin. La politique vient après. Elle vient après la chute, puisque selon Augustin, C'est bien le péché originel qui instaure une séparation entre deux états, entre deux cités, entre la cité de Dieu et la cité terrestre, la civitas terrena, qu'il appelle parfois civitas diaboli. Pourquoi ? Parce que la première incline vers l'amour de Dieu, amor dei, alors que la seconde penche vers l'amour de soi, amor sei. Mais la première préexiste à la seconde, et donc, précisent les commentateurs de Pierre le Chantre à Hugues de Saint-Victor, la prélature existe ante peccatum, tandis qu'au contraire, le pouvoir temporel naît de la nature pécamineuse, pécheresse de l'homme. Et donc, il y a une origine honteuse de tout pouvoir. On l'exerce, on le subit, on le tolère, on l'accepte malgré tout, faute de mieux, en attendant mieux. Il y a eu un avant, il y aura un après. Corinthiens, lettre aux Corinthiens 15, 24, puis ce sera la fin, quand il remettra le royaume à Dieu et au Père, après avoir anéanti toute principauté, toute puissance et toute force. Cette puissance de destitution qui fascine tant la philosophie politique aujourd'hui, qui se trouve dans Paul. Les commentateurs médiévaux de Glosée, comme l'a montré Philippe Buc dans une étude fondamentale sur laquelle je reviendrai la fois prochaine, « Tant que dure le monde, des hommes gouvernent les hommes ». Reste que l'événement catastrophique de la désobéissance du premier homme, s'il crée un partage irréparable par l'homme, appelle une réparation par Dieu. Augustin, la cité de Dieu, 14, 11. Don de Dieu perdu par la faute de l'homme, celui-là seul qui l'a fait peut le lui rendre. Si le Fils vous sauve, c'est alors que vous serez vraiment sauvés. Et ça a eu lieu. C'est-à-dire que nous vivons après la chute, mais aussi après le retour du Messie pour les chrétiens. Donc, après le sacrifice du Christ, le partage entre les deux cités se fait ambivalent, y compris chez Augustin, qui écrit la cité de Dieu, mais qui y écrit que la cité terrestre, la civitas terreni, est une civitas malgré tout. Ce n'est pas seulement la communauté des impies de la civitas diaboli, cela peut être un état politique. Et voilà pourquoi il peut y avoir un augustinisme politique. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, l'augustinisme politique est, je dirais, la force rectrice de toute la philosophie politique occidentale jusqu'au XVIIe siècle, au moins. Cet augustinisme politique, il oblige donc à faire retour sur le dominium d'Adam. De quelle nature était-il ? Alors, pour le comprendre, les théologiens usent, comme ils font, d'une fiction, c'est-à-dire d'un contrefactuel philosophico-politique. Que se serait-il passé s'ils n'avaient pas péché, les deux, Adam et Ève ? Gianluca Briguglia a étudié la fonction fictionnelle de cette épreuve de pensée, hein, qui est donc plus proche de la fiction juridique que je définissais la fois dernière avec Yann Thomas comme une des opérations du droit que de l'histoire contrefactuelle. Il l'a fait, Gianluca Briguglia, dans un des volumes récents qu'il a dirigé avec Irène Rosier-Catache, qui s'appelle « Adam, la nature humaine, avant et après, épistémologie de la chute ». De Thomas d'Aquin à John Locke, les philosophes utilisent cette fiction, un fait incertain qui ne se produisit jamais, qui n'arrivera pas et qui ne nous a pas été révélé. Une fiction, donc, pour mettre à l'épreuve la question de la nature du pouvoir. Ainsi, chez Marcille de Padoue, le défenseur Pacis, je cite, 1.6.1, « S'il était resté dans cet état, c'est-à-dire si Adam était resté dans l'état d'obéissance, d'innocence, il n'eût pas été nécessaire d'instituer et de distinguer les fonctions civiles, ni pour lui, ni pour ses descendants, nous. » Puisque la nature lui aurait procuré les avantages et les plaisirs de la vie adéquate à l'être humain dans le paradis terrestre sans aucune souffrance ni fatigue. Ce défi intellectuel, cette provocation faite à la pensée, Elle met à l'épreuve, effectivement, la question de la nature. La rupture de la chute a-t-elle fait changer Adam de nature ? Passe-t-il d'une nature à l'autre ? Ou l'homme possédait-il par nature des vertus, des passions, un langage, une liberté, une volonté, bref, tout ce qui en fait un animal politique. Et le contrefactuel théologique, ou la fiction politique, d'un Adam obéissant oblige les penseurs médiévaux à admettre que, même s'il y a un avant et un après, l'homme était un animal politique avant la chute. Dans son journal d'Adam, qui a été rédigé en 1893, Mark Twain revient plaisamment sur cet épisode malencontreux de la pomme du Jardin d'Éden. Il décrit un Adam qui se plaint de la présence d'Ève, cette nouvelle créature aux cheveux longs. Au fond, il ne l'a pas choisie, elle le suit partout, elle parle tout le temps, il préférerait qu'elle reste avec les autres animaux. Bon, ça documente la misogynie anglaise, on est bien obligé de le reconnaître, de la fin du XIXe siècle, bon. Et c'est le serpent qui avoue à Ève que, je cite, « le fruit interdit n'était pas la pomme, mais la châtaigne. » Ce qui est, en argot anglais, une « joke », une bonne vieille blague. Donc tout cela est une blague. C'est intéressant. Dans sa contribution au volume collectif, Emmanuel Ecoccia remarque que si la pochade de Mark Twain s'éloigne un peu du récit biblique, c'est vrai, elle ne le trahit pas sur un point, la tendance antitragique de la Bible. C'est la première action du premier homme à l'aube du monde, elle provoque une catastrophe, et pourtant ce récit biblique des origines ne met en scène ni bataille mémorable, ni fureur, ni geste surhumain. Il n'y a là rien de sauvage, rien d'impétueux, rien de mythologique, en somme, mais l'histoire banale, stupide, d'un homme sans qualité. Il est influençable, il est imprudent, il fait une boulette, il l'avoue, enfin pas vraiment, d'abord il dit « c'est pas moi, enfin je ne l'ai pas fait, enfin bon ». En fait, il n'affecte pas la fierté farouche du grand criminel, il a peur. Finalement, il avoue sa faute. Et que fait Dieu ? Un procès. La faute est manifeste. Et pourtant, Dieu organise le premier procès de l'histoire humaine. Bon, d'accord, c'est un étrange procès, puisqu'il est à la fois accusateur et juge, mais il interroge l'accusé avant de prononcer sa sentence. Ce que montre Emmanuel Ecoccia, c'est que cette lecture processuelle de la chute n'est pas seulement une réinterprétation juridique par le droit médiéval, hein, même si le décret de Gratien fait du procès d'Adam la preuve fondatrice de, disons, la naturalité de la procédure dans le droit humain. En fait, elle est présente dès les premiers commentaires patristiques, car à travers le procès d'Adam, et précisément parce que c'est un homme médiocre, c'est l'humanité tout entière qui est mise en accusation. La nature humaine dont on fait le procès. Et c'est d'autant plus important que si Adam préfigure le mystère du Christ, je l'ai dit, le procès intenté à Jésus est le double de celui que subit Adam. Parce que quand Jésus est jugé, c'est l'humanité qui juge Dieu par la voix de Pilate. Alors, j'avais terminé la fois dernière par l'évocation, sans doute bien trop allusive, des travaux actuels d'Emmanuel Ecoccia sur le christianisme comme révolution normative de la narrativité. Le Messie est venu pour apporter au monde une loi nouvelle. Or, les évangiles ne se donnent pas à lire comme une suite de préceptes, de commandements, mais comme un buissonnement de récits touffus et poétiques. Et ces récits sont discordants. Et leurs écarts relancent sans cesse la glose qui anime ce qu'Alain Bourreau appelle l'événement sans fin, c'est-à-dire que ça a eu lieu, mais l'événement recule à l'horizon du sens et il faut toujours tenter de le rattraper par le commentaire. Cette crise d'intelligibilité d'un récit qui tient lieu de code pose deux questions symétriques. Qu'est-ce qu'une norme qui s'exprime par le récit plutôt que par le commandement ? Et qu'est-ce qu'une narration lorsqu'elle est capturée par l'ordre normatif? Et voici pourquoi, au fond, si la littérature chrétienne s'inscrit bien dans cette invasion du romanesque décrite par Glenn Bowersock pour caractériser la production écrite de l'Empire gréco-romain au 1er siècle, et même plus exactement pendant le règne de Néron, parce que là, ça apparaît véritablement Néron pour notre sujet comme une rupture, et je pose un petit caillou que je relèverai plus tard, l'exception chrétienne consiste à produire au fond des biographies plurielles d'un seul personnage, quand au contraire, les auteurs romains, païens, produisaient des collections biographiques, des portraits de groupe. Hein, une seule biographie pour plusieurs personnages. L'exception chrétienne, c'est plusieurs biographies pour un seul personnage. Et voici aussi d'ailleurs pourquoi l'hagiographie, donc l'étude des récits de saints, ne doit pas négliger le fait que ces récits de vie s'achèvent toujours par des règles. C'est bien parce que la narration est capturée par l'ordre normatif qu'elle norme en retour la totalité de l'existence, mêlant inextricablement vie et morale, et c'est précisément ce que Giorgio Agamben appelle une règle de vie. On croyait au Moyen-Âge, ou on feignait de croire, que Gratien, l'auteur en partie mythique, à qui l'on attribue cette œuvre collective qu'est le décret, hein, dit Concorde des canons discordants dans les années 1140-1150, donc fondement du droit canon, que Gratien, d'une part, et Pierre Lombard, d'autre part, auteur à partir de 1152 du livre des Sentences, étaient deux frères jumeaux. Car le premier fonde le droit canonique et le second la théologie scolastique, et que ces deux fondations sont jumelles. D'ailleurs, pour faire bonne mesure, on ajoute parfois à cette légende, en l'occurrence une fiction politique, que le créateur de l'histoire ecclésiastique, Pierre le Mangeur, Petrus Comestor, est également issu de la même mère, mais d'une union adultérine. Parce que l'histoire est toujours adultérine. Si le droit et la théologie sont des disciplines jumelles, elles le sont, et cela c'est encore Alain Bourreau qui l'a montré dans un article essentiel paru en 92 dans les Annales, sous le titre « Droit et théologie au XIIIe siècle », droit et théologie sont jumelles au XIIIe siècle parce qu'elles envisagent de la même manière la construction de la vérité. Ce que le décret de Gratien appelle en droit des discordantia, les sentences de Pierre Lombard les appellent en théologie des dissonantia. Mais dans les deux cas, ces discordances ou ces dissonances produisent le doute qui suscite l'enquête. Et c'est par la confrontation des témoignages dans le cadre de la justice inquisitoriale ou des questions dans le cadre de la dispute scolastique que surgit le vrai. Car, je cite Pierre Abélard dans son « Sic et non », oui et non, car c'est en doutant que nous en venons à l'enquête et c'est en enquêtant que nous percevons la vérité. Nous percevons la vérité qui se construit collectivement, dans la dispute, dans la confrontation des discordances. Personne ne l'a, cette vérité. Cette convergence culturelle et sociale entre le monde des juges et celui des universitaires crée les conditions pratiques de ce qu'on pourrait appeler la complicité cognitive entre les procédures inquisitoires et les questions disputées. Et ainsi se crée symétriquement la généalogie chrétienne de la persona et la construction juridique de la personne comme fiction véridique. Donc on retrouve ici la question de la nature du genre humain, donc de la nature d'Adam avant et après la chute, mais on retrouve aussi l'efficace de cette double corporéité du souverain qui fonde la persona ficta des deux corps du roi d'Ernst Kantorowicz, comme une tentative de démontage du théologico-politique à partir du moment où la fiction devient réversible, à partir du moment où elle se retourne contre celui qui en profitait. C'est la tragédie de Richard II, la défaite de son corps politique. À partir du moment où le souverain, sans mourir en lui, la gémelléité constitutive qui le faisait en même temps fils de la grandeur divine, et fils de la fragilité humaine. Mais cette fiction, pour fonctionner, n'a pas besoin d'être crue. Il lui suffit d'être mise en scène. Et c'est en ce sens qu'elle s'oppose au pouvoir thaumaturgique des rois que Marc Bloch décrivait à la manière des bobards de la Première Guerre mondiale comme l'éclat trompeur des rois. Et voilà pourquoi nous avons passé longtemps la fois dernière à creuser ce que j'ai proposé d'appeler l'archéologie de l'erreur collective, parce qu'il s'agissait au fond de prendre à rebours ces traductions françaises de Machiavel sur lesquelles j'avais commencé la séance et qui transformaient au XVIIe siècle l'imagination en erreur du vulgaire. Or, la commune opinion n'est pas l'opinion du commun. Ce qui nous trompe le plus souvent, dit Machiavel, c'est l'imagination des doctes, l'accord des voix autorisées, l'accord des voix autorisées qui nous trompe, au fond, plus sûrement que cette opinion universelle qui réussit dans ses pronostics, car, je le cite, « ce n'est pas sans raison que l'on compare la voix du peuple à celle de Dieu ». J'en profite, au passage, pour répondre à quelques questions ou critiques qui m'ont été adressées sur l'adresse ouverte à cet effet, dont je rappelle qu'elle vous est ouverte, fiction au pluriel politique, @collegedefrance.fr, on m'a reproché, peut-être à juste titre, un anti-trumpisme primaire et qualifié de fixette cette attention portée à ce qui se déroule sous nos yeux. Alors, une précision importante. J'entends faire effectivement de l'analyse de l'événement en cours un élément du diagnostic du présent sans prétendre à une quelconque attitude de surplomb. C'est bien ça que j'essaye de montrer. Évidemment, pas de mépris, encore moins de moquerie, parce que nous y sommes. Nous sommes embarqués dans cette histoire qui, pour le coup, est proprement mondiale. Ce qu'il y a à observer, c'est notre propre désarroi. Et l'indignation morale que la situation inspire est sans doute à la fois inutile et nécessaire. Parce qu'il est difficile de ne pas voir, par exemple, dans l'engouement qu'on nous annonce aux États-Unis pour le roman de George Orwell, 1984. Non pas une réponse, mais un symptôme. Et un symptôme de ce désarroi. Et un symptôme qui ne peut pas ne pas intéresser celui qui s'attache à l'étude des fictions politiques et à la capacité anticipatrice de la littérature. Pourquoi on relit aujourd'hui 1984 ? Roman de George Orwell, paru en 1949. Est-ce que la littérature ne prédit pas plus l'avenir qu'elle n'en prévient les dangers ? Elle les prévient, oui, mais au sens où elle alerte sur une catastrophe qui, précisément parce qu'on a été alerté, ne vient jamais comme on l'avait imaginé. C'est très exactement ce que Pierre Bayard, dans son livre récent « Le Titanic fera naufrage », explore la capacité prémonitoire de la littérature, ce qu'il appelle ses avertissements, en parlant justement du procès de Kafka. On te remarquera au passage qu'il consonne étrangement avec le procès d'Adam par Dieu et le procès de Dieu par les hommes, manifestant dans les deux cas la disproportion entre la faute et le châtiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, voilà, nous avons, enfin, certains d'entre vous ont vécu avant et après 1984, au moment où la dystopie rejoint l'année 1984, qui ne s'est pas déroulée comme George Orwell en avait fait le récit. Donc, nous ne lisons plus son roman à la manière d'une anticipation ou d'une préfiguration d'un régime totalitaire, car nous savons désormais que le totalitarisme est une catégorie destinée non pas à décrire le réel politique, mais à le conformer à une figure définie par avance. Le totalitarisme, c'est le moment où, au sortir de la guerre, les démocraties libérales entendent démontrer que le communisme poursuit le nazisme par d'autres moyens. Donc, d'une certaine manière, le totalitarisme est une fiction politique qui s'expérimente d'abord dans la fable, Orwell, 1949, avant de s'imposer dans la théorie, Arendt, 1951. Or, nous savons que ce qui vient aujourd'hui, en tient lieu et n'a pas de nom. Si nous sommes des animaux politiques, nous avons donc à le nommer, ce qui arrive. George Orwell imaginait la tyrannie d'un ministère de la vérité Et ce n'est pas ça qui est advenu. Et nous ne savons pas d'ailleurs si ce qui advient est pire ou pas. Je cite Orwell. « Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. » C'est le personnage principal de ce roman d'anticipation, Winston Smith, qui dit ceci. « Et encore, ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement niée. » C'est-à-dire comment, effectivement, une certaine orthodoxie de l'invraisemblable impose, a imposé, au Moyen-Âge, rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. Ce que décrivait le roman 1984, c'était la capacité de la propagande à creuser à l'intérieur des êtres un vide accueillant à partir d'une liquidation du réel, d'une construction de l'expérience sensible, d'une destruction de l'expérience, en fait. Comme dit Walter Benjamin. Or, le témoignage des yeux et des oreilles, dont parle Orwell, cela peut être le sens commun, c'est-à-dire le sixième sens, cette connaissance incidente qu'a le peuple de ce qui le domine et dont parlait Machiavel. Alors, évidemment, ce n'est pas un parti tel que le craignait la pensée anti-totalitaire qui s'exprime lorsque le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, déclare « Notre intention est de ne jamais vous mentir » avant de préciser, je pense que parfois nous pouvons être en désaccord avec les faits. Ce n'est pas un parti, c'est autre chose que l'on ne saurait nommer une fiction qui prend corps sous nos yeux. Or, ce que l'on a à comprendre, c'est qu'est-ce que prendre corps et qu'est-ce que peut prendre de nous un corps monstrueux. Ça, c'est la question du Léviathan. Gramsci lisait Le Prince de Machiavel en lisant « Parti » où il était écrit « Prince », nous pouvons tout aussi bien lire Orwell en comprenant « Prince » là où il disait « Parti ». Mais dans tous les cas, nous devons reprendre le questionnement de Marc Bloch sur les croyances collectives et sur ce déni des observations de l'expérience. Du Collège de France, vous venez d'écouter Patrick Boucheron le 24 janvier 2017 dans le cadre de sa série « Fiction politique, aujourd'hui, rompre le charme du théologico-politique ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2016. Il a publié au Seuil en 2013 « Conjurer la peur », Sienne 1338, essai sur la force politique des images. Et chez le même éditeur, Patrick Boucheron a dirigé une histoire mondiale de la France en 2017. Enfin, il publie courant mai ses chroniques radio « Un été avec Machiavel » aux éditions des Équateurs. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sacheret, présentation Mérine Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur les fictions politiques avec Patrick Boucheron, la société eucharistique. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.